Un ange sur la terre, chapitre 13. La jeunesse à la mode. Pour peindre un appartement en désordre, on aurait pu choisir un meilleur modèle que l'aspect d'une chambre située au premier étage d'une maison garnie de la rue Saint-Éloi. On pouvait la comparer au camp d'Agramant, où les nombreux soldats de la science viendraient de livrer bataille aux soldats, non moins nombreux, de la mode. D'un côté, gisait à terre un flacon d'huile de Macassar, épuisé jusqu'à la dernière goutte. Plus loin, un dictionnaire latin montrait ses entrailles béantes et maculées par les taches d'une noire gangrène. Sur une chaise hospitalière, un frac étendait ses bras pendants et, dans une encoignure, quelques timides bouquins, affiliés à la Société de la Paix, cherchaient à fuir le tumulte du combat. Sur une table, placée au milieu de la chambre, un encrier, semblable à un mortier, dont les feux sont éteints, ouvrait sa gueule noire, à côté de plumes d'oie, nobles étendards roulés dans la poussière. Le droit royal, livre de jurisprudence, avait reçu, en pleine poitrine, une décharge de cette excellente eau de lavande qui se fabrique à Séville, sur la petite place Saint-Vincent. La Constitution gémissait sous le poids d'un scélérat de peau de pommade réactionnaire et des gants invalides se lamentaient sur leur fraîcheur passée. Il était 6 heures du soir, et 3 jeunes gens s'occupaient dans cette chambre d'un objet de la plus haute importance. Ils faisaient leur toilette. L'un d'eux, très grand et un peu gros, avait une figure sympathique. Dans ses yeux, largement ouverts, on pouvait lire la noblesse et la franchise de son cœur. C'était avec la meilleure foi du monde et sans en tirer la moindre vanité que ce jeune homme avait de lui-même la plus haute opinion. Il chérissait ses amis et les traitait cependant avec le ton d'une supériorité protectrice, mais si inoffensive qu'elle ne pouvait blesser personne. Au milieu de sa jactance et de ses prosopopées, brillait la bonté de son cœur comme la lumière du soleil brille au travers des nuages. Il ne manquait pas d'intelligence, mais il était privé de mémoire et sa distraction était telle que sa conversation était un mélange des propos les plus disparates. Une fois qu'il avait avancé une chose, il la soutenait imperturbablement, fût-elle la plus déraisonnable. Sa tête était un chaos d'idées qu'il ne se souciait ni de diriger, ni de classifier. Aussi lançait-il souvent, sans y réfléchir, des paradoxes qui stupéfiaient ses auditeurs, sans le faire reculer d'un pas, dans ses assertions, ni lui faire perdre un atome de son aplomb et de sa gravité. Il s'appelait Martial. L'autre était grand, mince, bien fait de sa personne et plein d'élégance et de grâce dans ses manières. Il avait une figure fine et mignonne, des yeux charmants qui interrogeaient toujours, sans répondre jamais, surmontés de sourcils bien arqués. Sur son front, peut-être un peu trop étroit, se jouait une chevelure abondante et frisée. Dans son sourire, perçait une légère ironie. C'était un de ces hommes froids, réservés, hermétiquement concentrés en eux-mêmes et qui manquent totalement de spontanéité. Bien que fort jeune encore, il avait cependant l'expérience d'un vieillard et cherchait le bonheur, non pas en philosophe ou en épicurien, mais en homme déjà revenu des vanités de ce monde. Il avait un esprit observateur, incisif, sarcastique, quelquefois même un peu mordant, mais honnête et loyal. Il s'appelait Renaro. Le troisième de ces jeunes gens était de taille moyenne et ne ressemblait en rien aux deux autres. Sans être joli garçon, il avait une de ces figures sympathiques qui attirent au premier abord et qui plaisent davantage à mesure qu'on les voit plus souvent. Rien chez lui n'excitait l'admiration et cependant tout plaisait. Sur sa joyeuse et riante physionomie brillait cette surabondance de vie qui déborde dans la jeunesse et produit d'abord des fleurs et plus tard des fruits. Dans son regard intelligent, bien que quelquefois distrait, se lisait la supériorité d'un homme appelé à dominer les autres. La carrière de ces hommes est tracée à l'avance. Sans se donner la moindre peine, ils poussent et fleurissent quand le temps a achevé leur maturité et prennent d'eux-mêmes dans le monde le rang que leur assigne leur vocation. Il se nommait Fabiane. Accoudé sur la table, il lisait et écrivait alternativement. Les deux autres étaient devant leur miroir. Tous trois appartenaient à de nobles familles de l'Estrémadour. « N'y a-t-il pas de quoi se donner au diable ?» dit tout à coup Martial, en serrant la boucle de son pantalon. « En voyant l'insolence avec laquelle mon ventre se projette en avant, vous verrez qu'il me fera perdre l'élégance et la finesse de ma taille. N'est-il pas vrai, Gennaro, cher Machiavel, que j'ai la taille fine? Je ressemble au palmier du Liban. » Dans le Liban, il y a des cèdres, répondit Gennaro. Les palmiers poussent au désert et les lièges dans ton village. Les palmiers sont originaires du Liban, affirma Martial avec son aplomb accoutumé, puis revenant à son thème. « Je n'ai cependant pas plus de 24 ans, le même âge que toi, un an de plus que Fabiane. Mais toi, Fabiane, père d'Auro, paisible rivière !» Ainsi Martial appelait-il Fabiane depuis qu'il avait lu les poésies de Martinez de la Rosa. « Que fais-tu là à cette table? Pourquoi ne viens-tu pas, comme nous, relever les charmes de la misérable humanité par les parures des beaux-arts ?»« La toilette n'a rien de commun avec les beaux-arts, répliqua Fabiane. Mais toi, Martial, tu ne te plais que dans les paradoxes. Pardon, ami, la toilette appartient aux beaux-arts, affirma Martial. Les autres se turent, comme ils le faisaient d'habitude, quand leur ami, de sa voix de stentor, lançait un de ces paradoxes qu'il se contentait de laisser rouler comme un projectile inoffensif. « Que fais-tu là ? » poursuivit Martial. « Peut-être des vers à quelque Phyllis qui ne sera pas en état de les lire. »« Non, je traduis l'ode de Lamartine à la lampe du sanctuaire. Écoute cette strophe, tu me diras ce que tu en penses. »« Ce que je pense, paisible rivière, c'est qu'il est très facile de traduire. »« Facile de traduire de la poésie ? » « Toi seul es capable de soutenir une semblable hérésie !» exclama Fabiane. « Et je le prouve !» poursuivit Martial. « Tu sais que mon père a été prisonnier en France pendant la guerre de l'indépendance. Il en avait rapporté une chanson qu'il fredonnait sans cesse. Eh bien, cette chanson, je l'ai traduite, et mieux encore, je l'ai traduite en vers de même mesure, de sorte qu'elle peut se chanter sur le même air. Qu'en dis-tu ? Veux-tu bien nous gratifier de cette œuvre capitale de ton esprit ? » Martial, sans se faire prier, se mit à chanter. « Si le roi m'avait donné Madrid de sa grande ville, et qu'il m'eût fallu quitter Séville la jolie, j'aurais dit au roi merci, reprenez votre Madrid. J'aime mieux Séville, oui. Oui, j'aime mieux Séville. » Note du traducteur. Voici la chanson française dont la poésie n'est pas plus correcte. Si le roi m'avait donné Paris sa grande ville et qu'il m'eût fallu quitter l'amour de mamie, j'aurais dit au roi Henri, reprenez votre Paris, j'aime mieux mamie, au guet, j'aime mieux mamie. Fin de la note. Gennaro et Fabiane s'étouffaient de rire. Pure envie, dit Martial, en faisant le nœud de sa cravate. Tu ferais bien mieux, père Dauro, de te nourrir comme nous de la lecture des bons auteurs espagnols. J'ai lu, moi, et je sais par cœur plus de 1000 comédies de Calderon. Calderon n'en a jamais fait que 300 et quelques, fit observer Fabiane. Il y en a 1000, soutint Martial. Tu as sans doute la prétention d'être le premier poète et le premier bibliophile d'Espagne? Tu te trompes fort, paisible rivière, si tu crois que je fonde mon ambition sur si peu de choses. Certes, ce Machiavel, si fin observateur, et qui déploie en ce moment dans le nœud de sa cravate une grâce et une facilité que je lui envie, ne se fût pas ainsi exprimé sur mon compte. Moi, mon enfant, je ne suis pas une rivière aussi paisible que toi. Je suis un torrent, et je veux faire du bruit, beaucoup de bruit dans le monde. Je veux être député. Je veux prononcer des discours qui seront imprimés en grosses lettres dans les papiers publics. Le discours de l'honorable Don Martial, diront-ils, si à cette époque je n'ai pas encore hérité de mon titre, ce qu'à Dieu ne plaise. Le discours de l'honorable Don Martial, prononcé avec autant d'éloquence que d'énergie, a ému l'assemblée tout entière, électrisé les tribunes et consterné les exaltés. Madrid n'a plus rien à envier à Athènes, comme la ville grecque, elle a son Démosthène. Je suis capable, pour arriver à la renommée, de brûler l'Escurial, comme Hérostrate a brûlé le temple de Vénus. « Le temple de Diane, » répliqua Fabiane. « De Vénus, » affirma Martial. « Dis-moi, Gennaro, quelle est ton ambition ?»« Moi, » répondit celui-ci, « j'aspire à une position tranquille et honorable, sans bruit et sans fracas. »« Végéter, » exclama Martial, « restez les bras croisés quand la société est en péril. »« Et toi ?» Paisible rivière, quels sont tes désirs? Moi, répondit Fabiane, je ne veux rien faire. Un lazzarone de Rome, exclama Martial. Voyez la belle carrière pour un homme qui n'a pas de majorat. Les lazzarone sont des napolitains, fit observer Fabiane. Des romains, soutint Martial. Hélas, chers amis, s'écria-t-il en mettant son gilet et en jetant un coup d'œil affligé sur la vacuité de ses poches. « Lequel de vous va me prêter quelque argent ?»« Te prêter de l'argent ? À toi ?» dit Fabiane. « À toi, le Richard du trio ? Plaisantes-tu, Martial ? Tu sais bien que ma bourse ressemble au tonneau des Danaïdes. Rien n'y peut séjourner. »« Richard, Richard, c'est-à-dire que mon père est riche. Il a des métairies, des moulins et des troupeaux de moutons, autant qu'un patriarche. Des écus à plein sac? Mais à quoi cela me sert-il, à moi, si ce père avare ne veut pas me donner un maravédi de plus que les 2000 réaux qu'il m'envoie chaque mois? Il devrait te suffire, dit Gennaro. Mes parents ne me donnent que la moitié de cette somme. Je vis largement et je me fais plus honneur que toi. C'est vrai, répliqua Martial, mais tu n'as pas mes vices. Sachez donc que j'ai joué hier au soir, et que j'ai perdu jusqu'à mon dernier réal, y compris même ce que ma mère m'avait envoyé avant-hier en extra, 3000 réaux, 150 bonnes piastres qui ont défilé à la suite les unes des autres comme d'innocents agneaux. « Tu as joué ?» exclamèrent à la fois les deux autres d'un air surpris. « Oui, j'ai joué. Eh bien, qu'y a-t-il là d'étonnant ? Je veux dans ma bouillante jeunesse goûter de tous les vices, comme Don Juan. Ne savez-vous pas que j'ai du vif argent dans la tête et du vitriol dans les veines, pour m'exprimer selon les auteurs modernes en France? Je veux être le plus prodigue des enfants prodigues, afin que mon père, à mon retour au logis, m'ouvre ses bras et tue le veau ou le cochon gras, peu m'importe. Cette idée, qui ne peut sortir que de la tête d'un véritable chevalier, ne vous semble-t-elle pas mirobolante? Quand je dis chevalier, je ne veux pas parler du héros de la Manche. Fi donc, cette chevalerie serait aujourd'hui du plus mauvais ton. Faire d'une Maritorne une Dulcinée, Il vaut bien mieux faire d'une dulcinée une maritorne. Cette large voie que je veux ouvrir à mes passions a quelque chose de romanesque et de biblique. Ne mêle donc pas l'écriture sainte à toutes tes billevesées, dit sérieusement Fabiane. Je maintiens le mot biblique, répliqua Martial. Moi, je ne joue jamais, dit Gennaro. Je suis plus délicat dans le choix de mes plaisirs. Le jeu est une passion de laquais. Ce que tu es, toi, répliqua Martial, tu es un hypocrite. D'ailleurs, tu n'as ni mes passions volcaniques, ni cette force d'âme qui me permet de lever un front pur et serein devant la réprobation générale. Je veux séduire toutes les filles de Séville. Le mal est qu'elles ne s'y prêtent pas beaucoup, et qu'elles sont plus malignes que des couleuvres. Reynoso a bien fait de pleurer sur la perte de l'innocence, et Melendez d'aller chercher la candeur en Italie. En Arcadie, rectifia Fabiane. En Italie, répéta Martial. Toi, mon père Dauro, qui te nourris du miel du mont Imette et qui t'abreuves à la source de l'Hippocrène, tu es inoffensif, mais un peu simple. Eh bien, quoique vous ne soyez pas à ma hauteur, je ne vous en chéris pas moins tous les deux. Nous ne faisons qu'un en trois personnes. Nous sommes les trois grâces, les trois parcs. Toi, un homme frugal, toi, dont le garde-manger est rempli des cervelas et des jambons que t'envoie ta mère. J'ai dit parcas et non parcos. Note du traducteur. Jeu de mots intraduisible. Parco veut dire en espagnol sobre, frugal, et parca, parc. Fin de la note. J'ai dit parcas et non parcos. Je dis donc que je veux me livrer à tous les excès. Je veux être un autre Michel de Magnara. Seulement, quand je reviendrai à la vertu, au lieu de fonder, comme lui, des hôpitaux, ce qui n'est plus à la hauteur du siècle, je fonderai un casino dans ma ville natale. Mon exemple ne vous tente-t-il pas? Note du traducteur. Michel de Magnara, célèbre vaurien qui, après s'être converti, fonda un hôpital. Fin de la note. Mon fils, répondit Gennaro, les Fredaines mettent peu en odeur de sainteté, et la renommée est un piédestal dont je ne veux pas descendre. Les excès, opinia Fabiane, me répugnent autant que l'odeur d'un cabaret, autant que l'atmosphère d'une étable à pourceaux. Ô paisible rivière, que ne puis-je te faire déborder? Exclama Martial. Mais habille-toi, Lambin, le beau sexe doit nous trouver de moins sur El Duque. Dis-moi, Gennaro, tu m'as l'air bien épris de la perle. Pourquoi lui as-tu donné ce nom, Fabiane? Parce qu'elle se nomme Lagrimas, et que les larmes sont les perles du cœur. Et encore parce que c'est une vraie perle fine. Dieu veuille, Gennaro, que tu saches l'apprécier, comme j'aurais su l'apprécier moi-même. Ces poètes sont vraiment étonnants, exclama Martial. Ils voudraient tout avoir. Ne devrais-tu pas te considérer comme le plus heureux des mortels d'avoir su capter l'attention et mériter la bienveillance de Flora, de la blonde Flora, qui semble un lys enchâssé dans de l'or? Quelle jolie pensée, hein? Ne va pas me la dérober, paisible rivière. Ne crains rien, répondit Fabiane en riant. « Ni moi, ni aucun orfèvre ne songeront à profiter de ton idée. » Mais toutes deux, poursuivit Martial, Lagrimas, l'humble violette, et Flora, le beau lys, s'éclipsent à côté de celle qui est reine de noms et de fées, et qui règne sur tout et sur tous. Je crois qu'elle ne déteste pas les mauvaises têtes. Qu'en dis-tu, Gennaro, toi qui es un observateur? Peut-être, répondit celui-ci. J'ai remarqué, ajouta Martial, que depuis que je me suis posé en mauvais sujet, elle fait plus attention à moi. Ne te fais pas d'illusions, Martial, dit Fabiane. Reine ne t'aime pas. Et qui donc aimerait-elle? S'écria Martial, en se retournant si brusquement qu'il renversa une chaise. Je ne sais, mais à coup sûr, ce n'est pas toi. Et comment le saurais-tu, prophète de malheur? Comme je sais qu'il fait jour, parce que je le vois. Qui donc s'aviserait de lutter contre moi? Ce n'est aucun de vous deux. À part que vous êtes amoureux, jamais il ne vous passerait par la tête de me jouer un mauvais tour. D'ailleurs, je ne me sens pas de force à user de la magnanimité de Phocion. De Scipion, rectifia Gennaro. De Phocion, je l'ai dit et je le maintiens, répéta Martial. À propos, j'ai composé quelques vers à l'intention de Rennes, et je me flatte qu'ils sont assez originaux et assez bien tournés. Je t'accorde la première expression, dit Fabiane, mais je mets en doute la seconde. Voyons, récite-nous ce chef-d'œuvre dont la composition te tourne la tête depuis plus de 15 jours. Oui, pour que tu me voles mes pensées, objecta Martial. Je te donne ma parole que je n'en ferai rien. Martial, qui grillait de faire voir le jour à son enfant, commença pompeusement. Reine de tous les cœurs, tu y répands une si grande loyauté que tes vassaux refusent la liberté que tu leur offres. Dans notre siècle de lumière, à quoi attribuer une anomalie aussi grande, sinon à l'éclat de tes yeux qui éclipse la lumière elle-même? Pourriez-vous me dire le motif de cette gaieté intempestive? Dit Martial à ses amis, après avoir achevé la lecture. Je ris de plaisir, répondit sérieusement Gennaro. Tes vers sont vifs, galants, bien rimés, et surtout pas exagérés. Quevedo te les envierait. Quel charmant jeu de mots dans cette éclipse de lumière. Et toi, Fabiane, qu'en dis-tu? Toi, l'arbitre du bon goût de l'Andalousie? Moi, je ris de pitié. Ces vers sont certainement les plus mauvais, les plus boursouflés, les plus ridicules parmi tous les mauvais vers que tu as pu commettre, Martial. Envie, pure envie, dit celui-ci. Tu enrages ma paisible rivière de ne pouvoir être un torrent impétueux. Dis donc, Martial, fit tout à coup Gennaro, quel est donc ce nouvel ami dont tu t'es affublé et qui ressemble à un hareng sort? Oh, c'est un brave garçon. Mais encore, qui est-il? Qui il est? Que sais-je, moi? Comment s'appelle-t-il? Tiburcio Civico. Aïe, aïe, quel nom, dirent les autres. C'est un nom fatal, je ne le nie pas, répondit Martial. Jamais je n'ai pu trouver une rime à ce Tiburcio. Écoute, dit Gennaro, qui était le plus fier des trois, je ne te conseille pas de fréquenter beaucoup ce don sans nom. Quand vous êtes ensemble, vous avez l'air d'une tour et d'un roseau se tenant par le bras. Tu as la rage de vouloir toujours faire de nouvelles connaissances. Souviens-toi donc du proverbe. Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. Ami, quand, comme moi, on aspire à devenir député, répliqua Martial, il faut se populariser. Maudite Grèce, ajouta-t-il en boutonnant son frac. Si mon ventre continue ainsi à pousser au majestueux, quand je serai député, il me fera certainement honneur et me donnera un certain air de marmotopile. Roberto, dit Fabiane. Marmotto, affirma Martial. Quel aimant t'attire vers ce personnage éthique et inconnu? Demanda Gennaro. L'aimant de la controverse, c'est un socialiste, et je veux le convertir. Tu y perdras ton temps, dit Fabiane, qui perdait le sien à vouloir faire entrer ses mains dans des gants trop étroits. En sortant, ils se croisèrent avec un petit jeune homme arrêté au milieu du vestibule. Sans rien changer à sa direction, Martial, qui marchait au milieu, entr'ouvrit ses longues jambes et passa par-dessus l'avorton sans quitter son air grave et sans dire autre chose que ce mot. Insecte! L'insecte demeura stupéfait en voyant passer au-dessus de sa tête ce colosse de Rhodes.